les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Diabolique, c'est sa tenue peut-être, son collant, ce maillot de soie, ou ses gestes, ou son corps, un coup de pinceau pour le cinéma, une griffure sur la pellicule. Une vampe comme Musidora, il n'y en eut pas deux à l'époque du cinéma muet. Elle fut la première, Irma Vep, une créature vengeresse. Une indication de scène, tu sautes le mur de la prison, tu t'assieds sur l'essieu entre les roues, tu tombes sur la voie entre les rails, tu t'aplatis par terre, tu laisses passer 80 wagons de train au-dessus de toi. Rien que cela. Musidora, comédienne du muet, Musidora qui, plus tard, par chance, parla à la radio. Et Musidora, un ciné-club proposé par Patrick Casal le 11 mars 1998 sur France Culture. Ciné-club, Musidora, première vampe, dixième muse. Non, jamais on n'oubliera la mode du bon vieux ciné à épisode. Le temps des manoirs truqués, des aventuriers masqués, embusqués dans les bosquets, et de la divine Musidora. Musidora, muse adorée, on l'implora, elle fit pleurer. On l'admira, la désira, la célébra. Musidora, jamais on ne l'oubliera. Quand Musidora faisait ses œillades dans les feuilletons de Monsieur Feuillade, le cœur de Paris s'arrêtait. On serait mort pour la beauté, pour l'étrange perversité de la diabolique Musidora. Il y avait de l'émotion au kilogramme, de la tragédie, du mélodrame, des frissons après minuit. Fantomas, roi de la nuit, Judex au service d'autrui. Mais il y avait surtout Musidora, mais il y avait surtout Musidora. Et maintenant, je vais demander à la première vampe de tous les temps du cinéma, c'est-à-dire à notre chère Musidora, de raconter quelques souvenirs du temps qu'elle était vampe sur ce canapé, comme nous la voyons ressuscitée. Je ne sais pas raconter mes souvenirs, vous savez. Je suis devenue cette vampe tout simplement parce que on voulait me mettre un maillot de coton et que j'ai mis un maillot de soie. Et comme j'étais, comme disaient les gars de cette époque-là, bien roulée, alors tout le monde venait voir le maillot de soie. Il faut dire aussi que j'avais un metteur en scène merveilleux qui était Feuillade. Sur une photo jaunie, Jeanne Roch a 5 ans. Les mains enfouies dans son manchon de fourrure, en robe longue à mi-donnée, chaussée de guêtre, elle a déjà ce regard distant, presque sévère, qui la rendra célèbre sous son pseudonyme, Musidora. Née dans une famille bohème, à deux pas du quartier de la Mouffe, le 23 février 1889, Jeanne écoute souvent son père, Jacques, composé à la diable, au piano, opérette et chansonnette. Marie-Clémence, sa mère, est une militante féministe. Elle dirige un journal au titre redouté, Le Vengeur, et se présente même aux législatives de 1898. La réussite scolaire de Jeanne est exemplaire. On la surnomme même le général. Mais dans la famille, chacun la pousse déjà à devenir comédienne. Son premier rôle, un petit pâtissier ingénu dans un vaudeville joué à l'Étoile Palace le 15 juillet 1910, la rend modeste. Mais pour ses prochaines apparitions dans les mélos et opérettes du Châtelet ou dans la revue Sa Grise, du Bataclan auprès de Colette, déguisée en chatte amoureuse, il lui faut un nom de scène. C'est dans Le Fortunio de Théophile Gautier que Jeanne Roch trouve son double. L'héroïne est fière, capricieuse, venimeuse. Musidora y est déjà un vampire d'or et d'argent. Un démon moqueur, une statue de la pudeur placée par hasard dans un mauvais lieu. Jacques Champreux, vous êtes le petit-fils de Louis Feuillade. À quelle occasion a eu lieu donc cette première rencontre historique entre Louis Feuillade et Musidora? Bien, Feuillade avait en projet de tourner une vie de Jésus sur les lieux mêmes de l'action en Galilée. Et il cherchait une comédienne pour interpréter le rôle de la Vierge. Et Henri Fescourt lui a signalé que, aux Folies Bergères, il y avait une jeune femme tout à fait charmante, au visage tout à fait virginal. Et ils ont été tous les deux trouvés Musidora, charmante et virginale certainement, mais en tenue très légère. Et puis le film ne s'est pas fait. Et je crois que le premier film de Feuillade avec Musidora, ça a été Severo Torelli, d'après une pièce en vers de François Coppée. J'ai vu des fragments du film, ça semble assez statique et assez embêtant. Mm-hmm. Mais Musidora est déjà très, très photogénique. Mm-hmm. Et tout de suite après, donc, elle est rentrée dans l'équipe Feuillade. Alors, elle est rentrée dans l'équipe Feuillade et elle a tourné une série de, surtout des comédies à ce moment-là. Les mais aussi d'autres films aussi. Elle a dû tourner dans La vie telle qu'elle est, des choses comme ça, je crois. Oui. Et bah, c'était Les Vampires, son démarrage. Eh bien, voilà, c'est très émotionnant ce que vous me dites là. Il faut tout de suite que je me mette dans l'ambiance d'autrefois, que je revoie le visage de M. Feuillade, qui était véritablement un être sympathique et dynamique, comme on dit aujourd'hui. Et je me rappelle qu'il était venu aux Folies Bergères me voir, où je tournais un film déjà aux Folies Bergères. Ça a l'air d'une blague de vous dire ça, mais ça s'appelait La Tangomanie. Je n'avais jamais fait de cinéma de ma vie, et le directeur des Folies Bergères avait fait monter un sketch tout à fait compliqué, où il y avait énormément de détails, c'est-à-dire des décors qui se défaisaient et des bouts de film. Les bouts de film, je les avais tournés devant la gare de l'Est dans un camion qui se baladait de façon à ce que tout danse, même la gare de l'Est, même l'entrée de la gare de l'Est et les spectateurs. Nous avions vu une foule folle devant nous. Moi, je me demandais si je n'étais pas un vrai saltimbanque et où on voulait me mener. Mais le film n'était pas mal et je crois... Je raconte toujours que M. Gaumont était venu avec M. Feuillade et M. Fescourt, était venu voir le film. Mais en réalité, je ne dis jamais cette histoire-là. Je dis toujours que M. Gaumont était venu aux Folies Bergères. Ce qui fait croire qu'il venait faire des parties de rigolade pour voir les jolies femmes nues. Eh bien, ça n'était pas vrai. J'étais habillée en comme une petite vierge avec de grands voiles blancs. M. Feuillade avait dit, cette petite est très jolie, je vais l'engager pour tourner La vie de la Vierge. Monsieur Feuillade m'engageait par conséquent à la maison Gaumont. Avec des appointements, vous avez parlé de gros appointements, mais j'avais demandé 100 francs par jour. Et le régisseur ne voulait pas les donner, il disait 100 francs, mais pardon, on ne les donne pas à monsieur Sylvain qui est de la Comédie Française. Alors je lui ai répondu, monsieur, je ne serai pas toujours jeune et jolie, alors je voudrais bien avoir mes 100 francs, sinon il me dit, voyez monsieur Feuillade, voyez, lui seul peut décider. J'ai donc été voir Feuillade, très gentil, qui m'a dit, vous êtes encore plus jolie de près que de loin. Et je vais faire un film pour vous qui s'appellera Les Vampires. On appellera ça Los Vampiros, Vampires. Ça pourra s'entendre dans tous les pays du monde. Est-ce que ça vous va? Que voulez-vous jouer? Il y aura 12 épisodes. Si vous jouez la jeune ingénue, eh bien la jeune ingénue meurt au premier épisode. Si vous jouez la méchante femme, et là il riait, il y aura 12 épisodes. Et que voulez-vous faire? Il faut vous dire que la méchante femme, c'était les troisièmes rôles. Or, je n'avais rien d'un troisième rôle à cette époque. J'ai réfléchi, j'ai répondu tout de suite. Oh, mais moi, je veux absolument faire les 12 épisodes. Alors, la méchante femme. Et c'est comme ça que je suis devenue vamp. Qu'est-ce que je ferais? C'est dit, laissez tomber! Arrêtez! Il y a quelque chose qui est comme ça! Mais qu'est-ce que c'est ce film? Regardez. Mais c'est chouette! Oui, mais il n'y a pas de sang! Vos gueules! Et regarde le mec qui se met la ceinture avec des pointes! Ah ouais, je sais, C'est un film de Feuillade. Il est né ici. Mon grand-père m'en a parlé. Feuillade était l'homme des innovations. Il aimait les artistes, les dessinateurs, les journalistes. Il fit appel à l'un d'eux, le dessinateur Maurice. Le voici près de moi, avec son monocle, sa silhouette fine et bien découpée, son allure d'homme du monde. Car pour jouer des rôles de bandits, il fallait tromper les gens élégants eux-mêmes. Musidora, qui fut ma compagne dans les vampires, Musidora est à mes côtés, et subitement je vois à nos côtés aussi Feuillade, depuis si longtemps disparu, Feuillade, le grand metteur en scène du film muet, le seul, l'unique. Au moment où je le connus, je préfère ne pas dire la date, j'étais surtout dessinateur humoriste. Je pondais de multiples dessins dans les journaux humoristiques nombreux alors, dessins qui m'étaient payés princièrement 100 sous, 10 francs, 20 francs. Eh, 100 sous, 10 francs, 20 francs, c'était tout de même quelque chose alors. C'est René Carle, vedette du cinéma muet, qui nous présenta l'un à l'autre. Feuillade et moi. Feuillade était de Lunel. Je suis de Nîmes. C'est dire que nous nous entendîmes vite. Un excellent déjeuner pris au restaurant début de Chaumont, c'est la vite de notre sympathie réciproque. Feuillade était actif, intelligent, rempli d'idées, avec des yeux pétillants derrière un lorgnon miroitant. Ah, oh, c'est exact. Son regard était malicieux. Il nous devinait rien qu'en nous observant. Que d'idées germaient dans sa tête. Il a pensé, un des premiers, à demander des scénarios de court-métrage aux dessinateurs humoristes Cole, Léon Kern, à vous-même, Maurice. Et c'est vrai. Il nous payait généreusement chaque scénario... 150 francs. Eh ben, mon Dieu, 150 francs, à cette époque, je me vois gravissant les buts de Chaumont, les poches bourrées de scénarios tirés de mes dessins, pénétrant dans le modeste bureau vitré de Feuillade, au-dessus du Gaumont, lui remettant mes petits manuscrits et attendant sa décision. Il ne nous demandait pas de longs scénarios, une page et demie, deux pages au plus. Sa décision était vite prise. C'était un homme vif. Il conservait un, deux, trois scénarios, je passais à la caisse et redescendais joyeux à Montparnasse. Jacques Champreux, Louis Feuillade avait une façon tout à fait originale de tourner un film. Pour lui, c'était vraiment de l'artisanat qu'il fallait mener très vite, puisque les films devaient sortir très vite. Les films devaient sortir très vite parce que d'abord, ils étaient courts. Et donc, il fallait renouveler rapidement les programmes. À partir de 1911, les films ont été projetés au Gaumont-Palace. Et le premier film de Feuillade projeté au Gaumont-Palace, qui a fait l'inauguration du Gaumont-Palace, c'était La Tare. C'était un film qui dure trois quarts d'heure. Et à l'époque, d'ailleurs, la presse a déclaré qu'au départ, personne ne pouvait humainement supporter un film de trois quarts d'heure. C'était pas possible, physiquement. Et en fait, il l'improvisait moins qu'on l'a dit. J'ai ici, moi, des scénarios qui sont extrêmement écrits, dans les petits cahiers d'écoliers. Et il y a des pages entières qui sont couvertes d'essais, d'intertitres, de cartons. Oui. En fait, il n'a vraiment improvisé, je crois, que les vampires. Alors, les méthodes de travail, c'était des méthodes de travail d'économie drastique, parce que Léon Gaumont était un homme, Feuillade disait qu'il avait un hérisson dans son un porte-monnaie en peau de hérisson, et dans l'intimité, il l'appelait le râleux, le mercantil, enfin, c'était... comme toutes les maisons, comme chez Pathé, c'était pareil. Hein. Mmh. On tournait à l'économie, le cinéma marchait. Il ne s'agissait pas de donner au public pour plus cher qu'il ne payait. Mmh. Et puis, Feuillade a dit un jour, je crois que c'est à Fescourt, d'ailleurs, quand il a engagé Fescourt, qui était un compatriote à lui, et Fescourt a dit, mais comment je vais faire, etc. Et le seul conseil que Feuillade lui a donné, c'est ne faites pas cher et vous durerez. C'est une règle d'or qui C'était marche la règle d'or de le... la maison Gaumont et qui marche encore un peu partout. Oui. Ma chère petite Musidora, ta dernière lettre m'a causé le plaisir accoutumé. Je n'ai absolument rien à te dire, sinon que ça me ferait plaisir de te lire plus souvent. J'ajoute que je pense beaucoup à toi sans avoir l'intention de te faire la cour le moins du monde, mais parce que dans la galerie de mes souvenirs, ta jolie petite violette ovale est l'une de celles sur qui ma mémoire se fixe avec le plus de plaisir. D'abord parce que tu n'es pas banale, Deuxièmement, parce que tu es une trabèze de choix pour le cinéma. Ici, repos absolu, calme plat, paysage plat, femme plate, on se bat comme distraction, la balade à cheval sur la plage, la lecture des journaux qui deviennent pourtant de moins en moins intéressants, un travail de camionneur en chef qui n'occupe que les membres du cheval ou les pédales du vélo, mais s'arrête net au seuil de la pensée. Enfin, c'est un certain moment, l'horrible cafard dans toute son horreur. Si seulement je pouvais faire des scénarios. Musidora avait des lettres que Feuillade lui avait adressées pendant la guerre. On sent très bien que Feuillade, à l'époque, était très amoureux de Musidora. Il lui écrit, il y a que tes lettres qui me... Seules tes lettres me font plaisir. Ta petite gueulette ovale est la seule que j'évoque avec plaisir. Tu dois être une infirmière pour blesser du cafard, etc. Enfin, des lettres où il n'avoue très pas. Très tendre, oui. Mais enfin, c'est très tendre. Et Musidora m'a avoué beaucoup plus tard que ma foi, elle avait un sentiment à peu près identique pour Feuillade et que ils s'intimidaient mutuellement, en fait. Feuillade, c'était un provincial. Mm-hmm. Hein, et Musidora, c'était la parisienne brillante, etc. etc. Et Feuillade, alors ça, Musidora me l'a dit, impressionnait beaucoup Musidora par sa culture, par son esprit inventif, par son autorité aussi, parce qu'il était très très ami avec ses comédiens et son équipe, mais en même temps, sur les tournages, c'était sa volonté qui s'imposait. Un plateau de cinéma, c'est une forteresse à prendre. Si quelqu'un l'apprend de nos jours, si c'est pas le metteur en scène, c'est le chef opérateur, c'est la script, c'est éventuellement le producteur, eh bien là, dès le départ, la forteresse était prise par Feuillade, qui n'avait pas l'intention de la céder, de l'abandonner. Il était, tous les comédiens que j'ai pu rencontrer après me l'ont dit. C'était un homme extrêmement autoritaire dans son travail, avec conscience d'ailleurs que c'était lui qui avait raison, et on sait maintenant que c'était vrai. Feuillade est mobilisé en mars 1915. Il se trouve à Zuidcoote, au train des équipages, où pour lui c'est un profond ennui. Il a vu le feu de loin. Gaumont lui écrit en lui disant « si vous aviez des idées de scénario, etc. » Lui répond qu'il est vraiment trop abruti par le travail qu'il fait toute la journée pour avoir la moindre idée. Gaumont se désespère parce que la guerre de 14 a été vraiment un arrêt, comme un couperet du cinéma français. Et il arrive, il rentre à Paris, et il trouve Léon Gaumont complètement effondré dans ses studios déserts. Ça va être vraiment la faillite. Et il faut que Feuillade trouve quelque chose pour sauver la maison, et pour se sauver lui-même, parce que si Gaumont fait faillite, comme Pathé ne produisait plus non plus, ni personne, c'était pour Feuillade lui-même la ruine. Et il improvise Les Vampires. Il va improviser un film d'aventure qui doit beaucoup à Fantômas au départ. Et les premiers épisodes des Vampires, d'abord, sont très courts. Le premier épisode fait une demi-heure. Et le second doit faire 16 ou 17 minutes. C'est fait sans comédien, sans pellicule, sans personnel pratiquement. C'est-à-dire qu'il ramasse des bouts de pellicule à droite et à gauche. Il démarre avec les comédiens qu'il a sous la main. Et le succès, d'ailleurs, est immédiat quand ça sort au Gaumont Palace. Mais il ne sait pas comment il va continuer. C'est au troisième épisode qu'il a l'idée géniale de faire appel à Musidora. Et Musidora devient à ce moment-là la vedette du film. Donc Musidora devient vraiment le lien entre les différents épisodes du film. Alors, mais cette idée du maillot noir et de ce personnage d'Irma Vep, est-ce qu'on a des traces de ce concept dans les notes de Feuillade dont vous parliez tout à l'heure ? Oh non, sur les vampires, il n'y a rien. Sur les vampires, il y a une page. Le col en noir, c'était d'abord un personnage à la mode, dans la mythologie populaire, la souris d'hôtel qui se glisse. Bon, bah, c'est ça, quoi, Musidora. C'est cette apparition. Elle a fait cette apparition. Elle n'est pas nue, mais pire que nue, on dit certains d'ailleurs à l'époque. Mais le col en noir, il y avait déjà eu Josette Andriot dans Protéa de Victorin Jasset. Mais Josette Andriot était une écuyère du Nouveau Cirque, c'était une fille plutôt athlétique. Elle avait un grand nez, il faut bien dire que ce n'était pas une beauté. Elle avait connu beaucoup de succès dans Protea. Mais je crois que, d'abord, le génie de Feuillade, ça a été la plastique de Musidora. Mm-hmm. Et ça a été que le collant de coton de José Tendrillo est remplacé par un collant en soie, oui, noire, coupé, paraît-il, par Paul Poiret en personne, en plus directement sur elle. Mais ça, c'est peut-être un peu de la légende. Et il faut dire que l'apparition du Musidora, c'est tout à fait impressionnant. Et ce qui est étonnant, c'est que la séquence où il est en collant noir dure 8 minutes ou 8 minutes et demie, compte tenu que ça, on n'est pas tout le temps sur elle, hein, en plus. Et que c'est cette séquence de 8 minutes qui a créé tout d'un coup un mythe qui dure encore de nos jours. Au fait, que voulez-vous, monsieur ? Eh bien voilà, j'ai justement là un bout de fil, mais j'aurais voulu que... Une projection ? Mais bien sûr, donnez. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, chez Gaumont, il fallait pas rigoler. C'était un puriste et un puritain, le petit Père Léon. Ses mots d'ordre, c'était éviter l'adultère qui ne se vend pas en Angleterre. Embrassez-vous, mais jamais sur des endroits qu'on ne voit pas. Et aussi, que vos films ne coûtent pas cher. Et Feuillade, qui était chez Gaumont, obéissait. Il est même arrivé à produire des films qui revenaient 6 francs le mètre de négatif. Mais moi, j'ai vu un de ses premiers films. Ça doit dater de 1907. L'homme aimanté. Une pure merveille. Tous les trucages à la Méliès. Une poésie à faire baver un surréaliste. Ah, c'était beau. Bon, allez, je démarre. Où avez-vous déniché ça? Les vampires. Alors, nous voilà à l'intérieur du Beugland. Alors, à des petites en plein large, et des gens sont à des petites tables. Visiblement, c'est une population assez louche. Certains se lèvent, l'acclament. Oui. Voilà, alors, le gros plan d'Irma Vep. Alors, elle a un chemisier assez échancré, un foulard sur la tête dont un pan lui tombe devant l'épaule, et elle a surtout les yeux très maquillés, mais là le regard qui s'impose à cette première apparition. On ne voit que ça, finalement, on ne voit que ses yeux et sa bouche, et elle ferme les yeux d'une façon voluptueuse. Les yeux roulent un peu, les yeux roulent un peu à travers la salle. Oui, visiblement c'est une chanteuse réaliste. Alors la foule acclame. Elle saute de scène dans les bras de l'admirateur. C'est pas un admirateur, c'est le grand Julot. Ah, c'est lui-même, nouvelle incarnation du vampire, oui, du grand vampire. Alors, est-ce en voyant cette image que les surréalistes ont été émus par le personnage de Musidora? Je crois que c'est par l'ensemble de l'œuvre. D'abord, ils avaient très bien accueilli Fantômas. Puis on sait que André Breton et Jacques Vacher, quand ils étaient à Nantes, faisaient une cure de films à épisodes. Mm-hmm. Et on range les panneaux d'Irma Vep, et le Beugland va fermer ses portes. Le chat-huant. Hein. Le chat-huant. Petit bréviaire à l'usage des gens qui seraient tentés de faire du cinéma. Tu tourneras l'hiver avec des robes de tulle. Tu tourneras l'été sous une serre vitrée avec un manteau de fourrure près d'un feu allumé dont on doit voir les flammes. Tu te brûleras les yeux avec la lumière cruelle des lampes à arc. Pendant 2 jours, tu ne dormiras pas, tes paupières seront tuméfiées. À peine tes amis te reconnaîtront-ils dans la rue. Tu ne dormiras pas, tu imploreras une solution à la cocaïne, une infusion de pavot que le pharmacien te refusera. On exigera de toi les plus beaux yeux du monde et on t'abîmera la vue irrémédiablement. Dans les films à épisodes, tu te battras véritablement. Tu auras des écorchures, des bleus. Tu déchireras tes robes, tu passeras dans le feu, tu tomberas dans l'eau, tu monteras un cheval nécessairement emballé. Tu glisseras le long d'un toit, tu tomberas dans un puits, tu laisseras passer sur toi 52 wagons d'un vrai train. Tu débuteras avec des salaires bien sages pour tant de risques. Et alors, si tu es photogénique, si tu sais jouer vrai, penser juste, écarteler ton vrai cœur, en comprimer les battements, là seulement, tu deviendras un personnage digne d'intérêt. Musidora. Musidora s'avance dans le couloir. Musidora arrive, elle débouche au coin du couloir. À droite, une fenêtre. Et on ne la voit qu'en silhouette. A-t-elle une torche ? Non, elle va allumer la lumière. Elle commence à fouiller. Et elle a vraiment l'air d'un chat. Elle commence à fouiller. Il y a un moment où elle va grimper sur une chaise pour regarder en haut de l'armoire, que je trouve formidable. Parce qu'elle est vraiment féline. Regardez, cambrée comme ça. C'est vrai qu'elle a une plastique assez conforme aux normes de l'époque. Elle n'est pas maigre. C'est pas un mannequin actuel. Mais tel quel. Alors donc, elle a, bien sûr, la cagoule couvre tout son visage. Simplement, les yeux apparaissent. On sent qu'elle a une culotte noire sous ce collant noir. Je n'en jurerai pas. Si. Et elle semble quand même avoir un léger plastron blanc pour que la poitrine n'apparaisse pas d'une dans façon marquée. Dans ce plan-là. Bon. Alors là, c'est extraordinaire. Voilà le moment formidable. Moreno ouvre la malle. Et qu'est-ce qu'il y a dans la malle ? Une autre femme en collant noir. Et quand Georges Junier a tourné La Perle, donc film d'avant-garde surréaliste dans les années 25, il y a toute une série de femmes en collant noir qui se baladent dans des hôtels, dans des baignoires, etc. Et c'est directement inspiré de cette scène-là. Alors il va substituer à Musidora, cette femme en collant noir, qui était Maxa. Maxa est une des vedettes du Grand Guignol, jusque dans les années après la guerre, d'ailleurs. Voilà. Et bon, alors maintenant, ce n'est plus Musidora, c'est Maxa, qui va se substituer à Musidora pour tromper les vampires. Vous êtes le deuxième homme qui m'ait tué cette semaine, mais il me reste encore 7 vies à vivre. J'ai tenté de vous sauver. Il me semble que chaque femme que vous tentez de sauver finit par mourir ou par vous en garder rancune. C'est peut-être l'heure de la retraite. Olivia Sayas. Ce qui m'a toujours passionné, et enfin d'une façon un tout petit peu intuitive et de façon un tout petit peu plus articulée à partir du moment où j'ai commencé à écrire le scénario d'Irma Vep, c'est réellement l'apparition de ce personnage dans les vampires de Feuillade. Je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'assez extraordinaire qui était l'apparition d'un archétype cinématographique, et même un peu au-delà, je dirais, d'un archétype cinématographique, peut-être même un archétype féminin. La silhouette, n'est-ce pas, du personnage d'Irma Vep n'est pas quelque chose de spécifiquement cinématographique, c'est quelque chose qui est une des images archétypales de la femme au XXe siècle. D'une façon un peu tordue, mais je crois assez présente, disons, dans l'imaginaire, dans l'iconographie. Si on prend l'histoire de cette silhouette, elle traverse le cinéma, l'histoire du cinéma, dans tous les continents, à toutes les époques. Je veux dire, on peut prendre 1000 exemples, celui du personnage que dans La main au collet d'Hitchcock, dont on se souvient, mais enfin, ça peut tout aussi bien être le personnage de Diana Rigg dans Chapeau melon et bottes de cuir, par exemple. Ça peut être The Black Cat, le chat noir, dans les films d'action de Hong Kong. Ça peut être, bien sûr, Catwoman dans les films de Batman, et dans les bandes dessinées de Batman, etc. Enfin, disons, si on veut décliner le personnage, et puis je parle même pas de la photographie de mode, je parle même pas de la bande dessinée, je parle pas du roman. Enfin, il y a quelque chose qui est pour moi tout à fait fascinant, quoi, dans les vampires de Feuillade, c'est que d'une certaine façon le film documente, dans le sens de documentaire, cette apparition. Et c'est quelque chose de très unique dans l'histoire du cinéma français, mais c'est aussi assez unique dans l'histoire du cinéma, qu'on voit exactement le moment où un archétype naît, prend forme. La belle affiche. Ils reviennent. Qui ? Les vampires. Musidora Dada, Musidora et les jeunes chiens fous, surréalistes. Aragon, Breton, Vacher, Soupeau. Au palais des fêtes, à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue aux Ours, puis à Nantes, dans les salles voisines de la place du Beffroi, toute une jeunesse tombe amoureuse de cette silhouette étrange et du personnage d'Irma Vep. Elle leur apprend l'aventure, le mépris des convenances et de la mort. Elle invente l'érotisme et la volupté. Loin du front, chacun vibre ainsi aux exploits de Musidora comme à ceux de Fantomas. Autant de ciné-feuilletons de Louis Feuillade où se trouve, pour les surréalistes, la réalité vraie de ce siècle, au-delà de la mode, au-delà du goût. Pourquoi ces films restent-ils toujours une référence ? Georges Franju, comme Alain René, en ont compris le souffle et le souffre. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien Georges Franju, le cinéaste? Oui, c'est vrai. Les films de Feuillade ont-ils été importants pour vous? Pour moi, personnellement, non. Judex était un justicier, mais d'après vous, Fantomas, c'était quoi? Un truand, un criminel ou un anarchiste, peut-être? C'était un criminel. C'était un criminel précautionneux, méditatif, calculateur, profondément sadique. C'était un criminel exemplaire, comme il n'y en a plus, hélas. Voyez-vous, en ce moment, j'ai essayé de voir des films de Feuillade, mais à Paris, c'est impossible. Écoutez, vous devriez peut-être demander à René. Je sais que René, comme moi, aime beaucoup Feuillade. Peut-être sait-il où il y a des projections. Ou alors Lunel, orientez-vous vers Lunel, là où est né Louis Feuillade. J'ai beaucoup marché dans Paris et dans sa banlieue, et j'avais, disons, repéré certains endroits que je pourrais qualifier, faute d'un autre mot, de magique. Et tout à coup, en allant voir ses films, je me suis aperçu que Feuillade était venu dans ces mêmes lieux avant moi et y avait posé sa caméra. Alors évidemment, j'étais très impressionné de voir qu'il y avait comme ça des lieux qu'on pouvait retrouver d'un metteur en scène à l'autre. Feuillade a montré qu'en utilisant une lumière réelle, des parcs réels, des châteaux réels, des forêts réelles, des rues de Paris réelles, on pouvait créer un fantastique qui pouvait être l'équivalent de tout ce qu'on aurait pu faire en studio. Et enfin, disons qu'il a montré que l'école Feuillade pouvait rivaliser avec l'école Méliès pour exprimer, en effet, le fantastique au cinéma. Dominique Paigny. Je crois, et c'est pas par hasard que quelqu'un comme Olivier Assayas m'informe un jour qu'il avait l'intention de faire un film avec le personnage d'Irma Vep au centre de son film, parce que Olivier est vraiment, avec ses films, était déjà de mon point de vue un cinéaste qui avait quelque chose à voir avec une certaine manière de regarder la ville, l'urbanité. Son film Paris s'éveille, entre autres. Bon, il y avait là quelque chose de encore bien inscrit dans une tradition du cinéma français qui remonte à Feuillade, qui lie indistinctement la narration et la ville, les conflits scénaristiques, les rencontres de personnages et les carrefours de rue. C'est Feuillade. Et c'est Feuillade, incontestablement, qui, jusqu'à Eustache et Rivette, engendrera, fondera littéralement une fiction à la française. C'est une fiction très proche, au fond, de ce que sera la nouvelle vague dans les années 60, enfin qui la préfigure pas, mais du moins en tout cas qui donne le terreau pour que cette nouvelle vague apparaisse. Alors, une fiction urbaine, une fiction faite de rues étranges, où tout à coup le simple fait de faire se rencontrer deux personnages au croisement de rues dote d'étrangeté un carrefour bien banal d'une rue. Il y a vraiment une relation dans le cinéma français entre filmer la ville et inventer une narration à la française. En 1928, 4 ans après la parution du premier manifeste du surréalisme, Breton et Aragon décident d'écrire une pièce pour leur égérie Musidora. Le trésor des jésuites est une fresque délirante et futuriste. Sur une toile de fond de tranchées et de poilus s'échangeant des photos de leur marraine de guerre, Musidora, des personnages au nom anagrammé de Matsuri, Mario Sud, Dora Musi, parodie les séances du Grand Orient de France. Au 4 bis rue Gounod, dans l'hôtel particulier de la Vamp, Aragon et Breton lui font une première lecture, ponctuée de toasts au Porto. Allongé sur un sofa, entouré d'autoportraits, Musidora écoute médusé André Breton lire avec l'emphase d'un comédien français de l'époque ce long sketch dans lequel elle se métamorphose en courtisane, justicière, cambrioleur, vampire bien sûr, et gisant. La première était prévue le 15 décembre 1928. Elle n'eut jamais lieu. Le trésor des jésuites, Aragon et André Breton. Prologue devant le rideau. Le temps, représentation conventionnelle, une faux. L'éternité, jeune femme en robe blanche, cheveux épars, serrant dans ses mains une grande étoile lumineuse. Je suis le temps. Je suis l'éternité. Je tiens la faux. Je tiens l'étoile. Je coupe. J'illumine. Mira, nous sommes au cinéma. Les images de l'écran, infidèles comme de jolies femmes, s'effacent sous les yeux des spectateurs. Qu'importe ! Le rôle du cinéma n'est-il pas simplement de charmer les heures des hommes ? Les heures. Les heures de loisirs, les heures de travail. Qu'est-ce que les heures ? La pellicule s'altère. Les grandes maisons d'exploitation s'effondrent les unes après les autres. Bah, tout pas ! Non ! Qu'est-ce donc qui persiste ? Ceux qui trouvent dans la vie un écho merveilleux. Tiens, puisque tu t'intéresses au cinématographe, je vais te faire assister à l'apothéose d'un genre oublié que les événements de chaque jour font renaître. On comprendra bientôt qu'il n'y eut rien de plus réaliste et de plus poétique à la fois que le ciné-feuilleton qui faisait naguère la joie des esprits forts. C'est dans les mystères de New York, c'est dans les vampires qu'il faudra chercher la grande réalité de ce siècle. Au-delà de la mode, au-delà du goût, Viens avec moi. Je te montrerai comment on écrit l'histoire. Au public très haut. 1917. Ils sortent, le rideau se lève. Les périls, c'était bien simple. Sur 12 épisodes, il y avait 7 épisodes où on risquait de se casser la figure. Je vais vous donner les titres parce que j'ai apporté mon petit livre, mais c'est très amusant. Ces titres vous donneront tout. Ça s'appelait La tête coupée. La bague qui tue, le cryptogramme rouge, le spectre, l'évasion du mort, les yeux qui fascinent, Satanas, le maître de la foudre, l'homme des poisons, les noces sanglantes. Et là, naturellement, il fallait bien, au milieu de tout ça, faire des choses terribles. Alors, je vous ai raconté un épisode extraordinaire, pour moi, tout au moins. Feuillade m'avait emmené sur la ligne de PLM, enfin, dans une petite station, où nous avions un train. Il fallait un train, et il me dit, voilà le sujet. Tu sautes le mur de la prison ou tu es enfermé. Alors, pour voyager, tu n'as pas d'argent. Tu es une mauvaise fille, alors tu avises un train de marchandises, le train va te servir, et il y a 80 wagons. L'appareil te prendra, alors tu seras assise sur l'essieu, entre les roues. Tu es exténuée de voyager ainsi, tu tombes sur la voie, entre les rails. Et tu t'aplatis bien par terre, tu laisses passer les 80 wagons. D'ailleurs, je dois dire la vérité, il n'y en avait pas 80, il y en avait 50. Et puis, le train est parti. Alors, c'est là où j'ai commencé à voir que c'était assez grave, parce qu'à mesure que le train gagnait de vitesse, je recevais des gifles d'air, des cailloux, des pierres, enfin tout ce qu'on peut recevoir quand on est sous un train qui va vite. On imagine facilement que la situation n'est pas drôle. Et alors, quand le train est parti, je me suis relevée. Feuillade m'avait dit, sois exténuée. Eh bien, je vous garantis que j'étais merveilleuse et je jouais tout à fait vrai, tout à fait comme il se devait. Mais j'ai entendu parler d'une histoire de bombe et d'autre part d'une histoire de trou et de chute brutale. Je voudrais bien que vous en fassiez profiter nos auditeurs. Eh bien, l'histoire de trou, c'était simplement un corridor. Alors, dans ce corridor, il y avait un tapis. Et Feuillade me dit, mais un chapeau très dur, mais des gants et un gros manteau. Bien, monsieur Feuillade, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout, les policiers sont derrière vous, vous courez. Et pour ne pas qu'ils vous attrapent. Bien. Bien, monsieur Feuillade, car on disait toujours bien, monsieur Feuillade. Je siffle, car nous marchions au sifflet. À cette époque-là, nous n'avions pas d'autre manière de partir. Il n'y avait pas de claquoir. Alors, sifflet, et nous courons. Nous courons, et en courant, le sol s'effondre sous nous. Nous tombons à 3 mètres en dessous sur des matelas qui avaient été préparés. On nous avait fait une fosse. Et je vous garantis que je n'aurais pas retourné deux fois cette scène-là. Je l'ai faite de bon cœur, courant. Mais l'idée que le sol vous manque et qu'on tombe à 3 mètres en dessous, c'était pas très drôle, n'est-ce pas? Après, Feuillade riait, nous aussi, car c'était vraiment amusant de faire du sport et de découvrir tous les jours quelque chose dans ce genre-là. Deuxième tableau. La scène représente le théâtre de l'Apollo le 1er décembre 1928. Le temps, en knickerbockers, et l'éternité, à la dernière mode, tenant respectivement la faux et l'étoile, entrent de part et d'autre de la scène devant le rideau et se heurtent vers le milieu. Pourriez faire attention. Je suis confus, madame. Oh, cher ami. Je cherchais justement une commère pour la représentation donnée à l'instant même en l'honneur de René Cresté, vous souvenez-vous? Judex. Et qui donc, mieux que l'éternité? J'accepte! Se tournant vers la salle. Cher public, l'année 1928 tire à sa fin. As-tu remarqué, cher public, le caractère bouleversant de cette année exceptionnelle et bisextile? Voix dans la salle. Oui, oui, bisextile. Eh bien, le prétexte nous a paru excellent au temps et à moi pour faire défiler devant vous les éléments les plus typiques du ciné-feuilleton qu'on n'a que trop perdu de vue depuis les progrès déroutants accomplis par ce qu'il est convenu d'appeler le 7e art. Et ce sera l'occasion ou jamais d'évoquer devant toi, cher public, les fantômes. Bruit de chaîne, apparition de fantômes conventionnels. Les spectres. L'automate. Les mannequins. Les trains de banlieue. La syncope. Les terrains vagues. Les faits divers. Chantreux. Alors après ce succès des vampires, donc, Feuillade n'a pas voulu en rester là. Et il lui fallait un nouvel héros, mais un héros positif. Oui, c'est à ce moment-là qu'il a écrit, qu'il a fait Judex, en collaboration avec Arthur Bernaid. Alors, nouvelle apparition de Musidora. Nouvelle apparition de Musidora. Et Musidora, c'est Diana Monti, l'aventurière, qui n'a plus de col en noir, mais qui est toujours aussi perverse et enjôleuse, et qui vraiment mène la danse. C'est elle qui mène la danse dans le film. A-t-elle un jeu tout à fait différent de celui des vampires? Bon, d'abord, elle n'a pas de maillot de soie noire, et elle a une autre façon d'approcher son rôle. Le personnage de Musidora est plus, je dirais, psychologique. Mmh. Elle séduit. Tous ces personnages sont des personnages fantastiques, féeriques. Ils sont partout, ils changent de tête, etc. Et Musidora a vraiment un personnage dans les vampires. C'est une sorcière, c'est un personnage extraterrestre, disons. C'est un personnage purement de légende. Dans Judex, c'est un personnage plus réaliste. Donc elle séduit. Mais elle séduit avec des moyens très féminins. Dans les vampires, elle ne séduit pas. Elle est là et elle devient la maîtresse des vampires. Enfin, c'est pas dit comme ça. Mais c'est évident qu'elle devient la maîtresse des grands vampires successifs. Le mythe des vampires, c'est Musidora. Le mythe de Judex, c'est Judex. Sainte Musie, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la scène comme au paradis. Donnez-nous aujourd'hui notre sucre quotidien, pardonnez-moi mes crimes comme je vous pardonne vos vertus, et induisez-moi en tentation pour me délivrer du mal, ainsi soit-il. Je vous salue, Musie pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le filleul de vos entractes est béni. Mais j'aimerais mieux que sa première visite fût plus intime. Rien ne vous sera plus facile que d'arranger cela, puisque vous avez toutes les perfections du cœur et de l'esprit. Le talent de Musidora est d'avoir su mêler les genres et se moquer des chapelles. Des cinémas populaires aux cercles d'avant-garde, des revues légères du Moulin Rouge aux arènes de Tolède, chacune de ses apparitions suscite les passions. Après Alice Guy et Germaine Dulac, Musidora se risque elle aussi à la mise en scène, adaptant deux œuvres de Colette, La Vagabonde et La Flamme Cachée, puis Le Don Carlos de Pierre Benoît. C'est enfin en Espagne, avec son ami Antonio Cañero, le Rejuvenador, qu'elle tourne Sol y Sombra et La Tierra de los Toros, ses films les plus aboutis. Son amitié avec Colette et Pierre-Louis sont les fils rouges de sa vie. Dès l'hiver 1913, tous les soirs, après la revue des Folies Bergères, Musidora monte dans un coupé et se rend au domicile de Pierre-Louis. La cécité guette l'auteur d'Aphrodite. L'actrice devient alors sa lectrice et confidente et le restera jusqu'à la mort de l'écrivain. Colette et Musidora, les deux girls endiablées du Bataclan, sont devenues complices et connaissent les mêmes révoltes. Dans son fanal bleu, Colette évoque l'improbable phalanstère qui les réunit toutes trois avec Marguerite Moreno pendant la guerre dans un chalet suisse de la rue Cortambert. Musidora a toujours un projet de film ou de pièce à soumettre à ses voisines de chambrée. J'ai tout de suite pensé, dès que j'étais moi-même metteur en scène, à prendre parmi les grands auteurs leur sujet, ou tout au moins leur demander d'écrire pour l'écran, qui était tout de même une manière de concevoir l'art tout à fait en avant. Et Colette, après des essais que j'ai fait moi-même en tournant un film qui s'appelait Vicenta, qui à l'époque, mon Dieu, a rapporté un petit peu d'argent, j'ai fait voir à Colette le film que j'avais fait en tant que metteur en scène. Et je lui ai demandé, Colette, voulez-vous écrire par image? Et Colette a consenti. Mon petit Musi, Tu sais que je suis partie tout de suite après ton film, en me promettant tous les jours de t'en écrire ce que je pensais. Tu y es tout à fait remarquable. La partie finale qui t'appartient est en ce qui te concerne véritablement sans défaut et sans reproche. Sobriété, expression, tu as tout là-dedans. Ton passage en Amazon est excellent. Et tu as entendu avec quelle spontanéité on a applaudi ta mort. Le pâlissement du regard, l'effondrement sur place. Je voudrais te voir bientôt. Il y a si longtemps. Peux-tu me voir au matin? Si tu ne tournes pas, on pourrait déjeuner ensemble. Sidi aussi voudrait voir ton film. Il t'embrasse sans respect. Dis donc, je songe à vendre Chéri pour le ciné. On ne m'a pas encore fait d'offre assez précise, mais on me propose des Chéri. Je t'embrasse bien tendrement, mon petit Musi. Colette. Dominique Pagny, tous les films de Musidora, parce que Musidora a été réalisatrice oui. aussi, hein, donc La Flamme Cachée, Le Maillot Noir, Vicenta, pour Don Carlos, est-ce qu'on a des copies donc, à la Cinémathèque? On n'a pas tout, mais ça fait partie d'un de mes projets, mais un projet qui n'est plus un projet maintenant, d'ailleurs, qui a commencé il y a quelques années, il y a très peu de temps, il y a 2 ans, donc c'est tout récent. On a procédé à la comparaison de plusieurs copies du même film qui s'appelle Soleil et Ombre. C'est un film tourné en Espagne, un film vraiment surprenant qui atteste d'elle un véritable talent qui excède largement la seule actrice, enfin en tout cas le talent d'une actrice. C'est un film qui mêle le mélodrame amoureux assez conventionnel à l'époque, mais alterné avec des scènes d'extérieur, avec un lien entre les scènes extérieures et les scènes d'intérieur de mélodrame amoureux, dont l'architecture est précisément ce qui relie les deux choses. Il y a vraiment une manière pour Musidora qui doit, de mon point de vue, provenir d'une expérience de l'architecture ou de l'immobilier, je devrais dire, qu'elle avait connue avec les mises en scène de Feuillade, qui l'ont rendue aussi attentive au rôle du décor au cinéma. Et c'est toute sa passion aussi pour l'Espagne, pour la tauromachie. Oui, bien sûr. Qu'elle filme admirablement bien. Il y a vraiment des plans de corrida dans ce film Soleil et Ombre. Seuls ces corridas, ces filmages de corrida, donneraient la légitimité à avoir restauré ce film. Mais c'est vrai qu'elle avait. C'était un personnage qui avait vraiment eu l'habitude de se faufiler dans les armoires, les malles de voyage, les... C'est la souris d'hôtel. Oui, voilà, c'est la souris d'hôtel. C'est, oui, absolument. C'est Vénus des Sleeping, rat d'hôtel, ouais. souris d'appartement de luxe. Mais de manière plus inouïe, c'est un personnage qui a vraiment incarné, peut-être avec José Andrioz aussi, qui faisait Protea, mais parmi les 3 ou 4 premiers acteurs, actrices, qui ont incarné vraiment, alors en termes d'un corps qui a représenté, hein, au fond, la véritable essence du cinéma, la nature du cinéma, qui est un art de métamorphose. Nous sommes dans les locaux de la Cinémathèque française où Musidora a travaillé pendant une assez longue période. Oui, non, elle a travaillé, bien évidemment. Elle a transformé sa carrière d'actrice en une carrière d'historienne. On dit maintenant de chercheur, littéralement, parce que pendant l'occupation, c'est assez célèbre, Langlois lui a confié, enfin auprès de lui, la responsabilité d'un comité de recherche historique du cinéma. C'était quand même Henri Langlois qui, le premier, a eu ce souci de considérer que le cinéma des premiers temps était le cinéma, bien évidemment, le plus rapidement oublié, cela va de soi. Et rapidement, avec Jean Mitry, qui est un des fondateurs de la Cinémathèque, avec Joe Hamann, qui est un des grands metteurs en scène de la première époque Gaumont, les fameux westerns tournés en Camargue, elle a vraiment systématiquement entrepris auprès de Langlois, et bien après Langlois d'ailleurs, une recherche d'abord des derniers témoins qui vivait encore, mais cela de manière internationale, dont elle a cherché des témoignages de leur œuvre, copies bien évidemment, mais surtout scénarios, photos, documents les plus divers, mais elle procède systématiquement à des entretiens pour garder là momentanément la mémoire. Ensuite, dans les années 50, elle continuera assez longtemps, elle se travaille, même y compris après que Langlois s'en occupe plus directement. Elle ira voir à la fin de ses jours Abel Gance, Louis Deluc, mais elle joindra aussi Poudovkine, Marcel L'Herbier bien sûr qui est en France, mais elle joindra Renoir. Elle fait un travail très systématique. Alors une grande partie en tout cas de ce que nous conservons encore aujourd'hui, qui est maintenant rassemblé à la BIFI, à la bibliothèque du film, qui rassemble les fonds de l'Axidec, qui rassemble les fonds de l'État pour partie, et surtout les fonds de la Cinémathèque, que les correspondances qui sont conservées dans ces fonds, c'est Musidora qui les a rassemblées. Disons que Musidora a eu auprès de Langlois le rôle que Lotte Eisner a eu auprès de Langlois pour plus exactement les appareils, les machines, les œuvres d'art qui sont dans les collections de la Cinémathèque. Madeleine Malpet-Méliès, Musidora, c'est un souvenir assez proche en fait. C'est un visage que vous devinez encore dans les couloirs de la Cinémathèque. Très bien connu, ah oui, que j'ai très bien connu dans les couloirs de la Cinémathèque des anciens temps, que vous n'avez pas connu, que beaucoup de gens n'ont pas connu. Nous étions installés avenue de Messine à l'époque, dans un superbe hôtel particulier près du parc Monceau. Moi, je travaillais avec Langlois, puisque j'étais sa secrétaire en 1943, 1944 et 1945. Et quand je l'ai quittée, parce que je me suis mariée, j'ai donné ma place à Musidora, qui est devenue à son tour la secrétaire et surtout l'hôtesse, et une personne très bien élevée qui était toujours là pour recevoir les invités de marque ou non. Et ça, c'était une tradition qu'avait Langlois depuis longtemps. Je crois que c'est ce qui a fait un des côtés de sa personnalité chaleureuse. Il a été très critiqué après. Moi-même aussi, je ne peux pas le mettre sur un piédestal tout le temps. Personne, de toute façon, ne peut tout le temps être parfait. Mais il avait eu cette idée d'avoir toujours quelqu'un d'un certain âge qui soit à l'accueil, que la Cinémathèque ne soit pas un lieu impersonnel. Que quand quelqu'un venait et demandait à le voir, ce qui était très difficile parce qu'il se cachait beaucoup, il y avait au moins quelqu'un qui disait « Mais laissez-moi vous coordonner, il vous verra dès que possible, il est très occupé, mais il aura toujours un moment pour vous. » Et ça, c'était le rôle de Musidora, elle savait très bien le faire. Alors donc, Musidora a eu, bien sûr, un contact plus précis avec toute la profession, avec les auteurs, avec les réalisateurs, avec tous ceux qui venaient en même temps pour leurs affaires à la Cinémathèque. Et voilà, évidemment, c'était tout le monde du cinéma de l'époque, c'est-à-dire bon, bah, les metteurs en scène très cotés de l'époque comme Carnet ou Delannoy, et puis les anciens du muet, qui étaient vraiment les oubliés. Et là, Langlois avait eu une idée, c'était de faire des tables rondes pour essayer de demander aux anciens acteurs de cinéma des souvenirs sur le tournage de certains films du temps du muet. Mais ça n'intéressait plus grand monde. Il a vraiment fallu une reconquête pour arriver à montrer le cinéma des premiers temps. On reconnaît son écriture sur certains documents. Elle a une belle écriture, d'ailleurs, toute ronde. Alors, parlez-nous de cette écriture, parce que là, justement, il y a un certain nombre de lettres que votre grand-mère donc, a reçues d'elle, puisque elles étaient très liées. Très liées. Oui, oui. Et ma grand-mère est morte en 1956, et Musidora peu de temps après. Et elles étaient très amies, malgré une grande différence d'âge. Mais ma grand-mère avait été la première star du monde, Joan Dalcy, vedette des films de Georges Méliès en 1896. Alors une complicité entre la vamp et la star. Entre la vamp et la star. Oui. Musidora écrivait beaucoup, comme nous écrivions beaucoup dans le temps. On téléphonait beaucoup moins, et donc on écrivait beaucoup. Et là, il y a une lettre très charmante du 3 décembre 1948, où elle dit, sur un papier en tête de la Cinémathèque, 7 avenue de Messine, « Chère Madame Méliès, êtes-vous bien rentrée? J'ai beaucoup pensé à vous, car j'arrive de mon île d'amour. » L'île d'amour, c'était où elle habitait, à Bois-le-Roi. Glacé, l'île et moi. Comment avez-vous pu marcher votre kilomètre dans le grésil blanc et craquant, bien joli certes, mais bien incommode. Vous avez dû pester encore sur votre beau château, entre guillemets. Donnez-moi de vos nouvelles, que je me rassure, car je m'inquiète. Alors, sur une autre lettre, pas dans tête de la Cinémathèque, mais un Père Noël. Et le Père Noël, Père Noël pour Méliès. Non, c'était le Père Noël pour Méliès. C'est Noël 1947, Madame Méliès. Le Père Noël de Madame Méliès. Ne grondez pas Henri. Il vient d'être malade, bronchite, assez sérieuse, ventouse, sirop, diète, tout, neuf de tension. Enfin, il est à point pour aller vous voir et se reposer à son tour. Donc vous le verrez. Et moi, j'irai peut-être faire un tour vers vous deux. Encore un affectueux baiser de la vampe à la star des stars, Musidora. Ce qui l'intéressait beaucoup, c'était d'écrire. Elle avait écrit des pièces de théâtre. Elle en faisait jouer une, d'ailleurs, au moment où elle était à la Cinémathèque. Elle a été également cinéaste. Et en fait, ces films... On ne les a pas. On en a un, je crois, ou deux, mais justement. Et c'est drôle parce que les auteurs eux-mêmes n'ont pas gardé de copie de leurs films. Ça, c'est très curieux. Au niveau des metteurs en scène anciens, c'est qu'il n'y avait pas de dépôt légal. Une copie coûtait très cher et souvent le producteur ne voulait pas offrir une copie à son auteur de film. C'est un peu pour ça qu'on n'a pas tellement de collections de films de cinéastes eux-mêmes. À part Chaplin, qui a tout racheté lui en plus. Alors, parmi les égéries de Musidora, il y avait bien sûr George Sand. Et Colette. Et il y avait Colette. Ça, elle en parlait souvent. Elle avait été très impressionnée par Colette. Et elle avait une grande amitié qui avait duré d'ailleurs, parce que je crois qu'elle allait encore lui rendre visite au Palais Royal après la guerre. Et elle faisait partie d'un petit groupe de femmes qui se soutenaient beaucoup, qui étaient très soudées, bon, avec des querelles aussi. Et des déchirements, mais il y avait ce mouvement de revendication de la place de la femme dans la société, de son droit à avoir un métier ou un art individuel sans dépendre d'un homme ou d'un mari, sans être la femme au foyer. Et une sexualité aussi. Et aussi une sexualité revendiquée par Colette d'ailleurs, par d'autres femmes qui étaient vraiment mises à l'index avant la guerre de 14. Ni déesse, déesse, ni diablesse, ni faiblesse, je suis femme, je suis moi. Claire Clouseau, que pouvait représenter Musidora lorsque vous avez lancé ce fameux collectif de femmes cinéastes en avril 1974? Trouver Musidora comme symbole, une sorte de personnage mythologique érotique qui devient une créatrice qui passe vraiment à l'action, on ne pouvait pas trouver mieux. Il y a 25 ans, c'était une révolution, une action nécessaire. Ah oui, c'est-à-dire que, bon, on était toutes issues, plus ou moins, moi j'étais aux États-Unis, donc c'était issu des mouvements de Columbia et de Berkeley, mais les Françaises étaient issues du mouvement de mai 68, et puis ensuite des mouvements viols et des mouvements avortements, etc., et MLAC et autres, et par conséquent, il fallait chercher à faire quelque chose dans le domaine, si vraiment on se place aux années 71-72, quand on essaye d'écrire ce qui va devenir le manifeste des femmes Musidora, faire qu'il y ait d'autres personnes comme référence que Germaine Dulac, Dorothée Arzner et Ida Lupino. Et puis bien entendu Agnès Varda, mais elle n'aimait pas beaucoup qu'on l'appelle la grand-mère de ce mouvement, mais elle était exactement ça. Et en plus, ce qui est très réjouissant, c'est qu'elle est encore en action aujourd'hui, active et créatrice. Alors comment se passaient ces réunions du collectif Musidora? Est-ce que c'était vraiment un mouvement d'activistes? Ah ouais. Ah, ça, c'était une bagarre sans nom. On était des femmes avec une vraie idée. C'était vraiment presque un mouvement politique pro-femmes et cinéma. Donc, ça se passait dans la contradiction, bien entendu, avec des opinions et des façons de faire assez différentes, mais réunies d'une part pour la photo, puisqu'on a choisi de se déguiser en... Tout en cagoulé. Voilà, exactement. Avec le fameux maillot noir de la souris d'hôtel. Je ne pense pas qu'on pensait au mot souris d'hôtel, parce que ça nous aurait peut-être fait reculer. Mais la symbolique de Musidora était très, très importante. D'être à la fois un personnage très femme, plus femme, on ne pouvait pas trouver, puisque c'est ce qui avait incarné pour André Breton et Aragon la femme la plus femme, et d'autre part, une énergie pour passer à l'action cinéma. Delphine Seyrig était aussi membre du collectif Musidora. Oui, alors Delphine Seyrig, elle avait une importance également capitale. Elle en faisait partie, et puis elle a fondé de son côté, qui était très très actif, le mouvement vidéo, et elle tournait des vidéos. Donc en fait, elle était peut-être plus avec son groupe à elle qu'avec nous. Mais c'est une figure absolument de proue. En réalité, si vous me demandez qui était la Musidora 15 ans plus tard, c'était Delphine Seyrig. Delphine Seyrig comme pensée, Delphine Seyrig comme beauté, et puis en tant qu'active, puisqu'elle ne cessait pas de tourner. Il n'y avait pas qu'Alain René qui l'avait fait tourner. Ensuite, elle était chez Liliane de Kermadec, ou avec Agnès Varda, ou avec William Klein, enfin. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez dans certains films féminins encore un peu de cet esprit Musidora que vous aviez trouvé avec ce collectif? Ah, je veux. C'est-à-dire que la splendeur de l'époque actuelle, c'est que, du point de vue, en tout cas, de ce que je vous dis ou de ce qu'on pourrait faire comme manifeste, ça n'aurait aucun sens aujourd'hui. Ce qui me réjouit tous les jours que Dieu fait, c'est Laurence Ferreira Barbosa, Claire Denis, Claire Simon, Catherine Breillat, même si je ne suis pas toujours d'accord avec le contenu de son cinéma, Pascal Ferrand, Dominique Cabrera, enfin, là je peux vraiment faire une liste de 25 noms. Or, quand on se demandait qui va-t-on inviter, qui va venir parler, même si Marguerite Duras était proche de nous, et Delphine Seyrig et Liliane de Kermadec et Agnès Varda, ça s'arrêtait un peu là. Alors, toutes ces réalisatrices, pour vous, sont dans la droite ligne de l'esprit Musidora de l'époque? Ça serait beaucoup dire droite ligne, parce qu'elles ont leur caractère, leur tête à elles. Elles ont des tempéraments tous plus violents les uns que les autres. Et elle ne se recommande absolument pas du féminisme, parce que si je comprends bien, elle n'en a pas besoin. Là, il nous fallait, en 73-74, un esprit de révolte. Musidora, représentée via Claire Bretéché sur l'affiche du festival de 74 de films de femmes, fait de la caméra, bien entendu, une arme. Je ne pense pas que Musidora considérait la caméra elle-même comme un revolver, mais là, c'était utile historiquement. Il fallait qu'effectivement, elle ait une croupe développée et une caméra attaquante. Est-ce que vous avez retrouvé dans certains films d'aujourd'hui la silhouette de Musidora? Ah non. Non, ça c'est extrêmement curieux. C'est même quelque chose d'invraisemblable, de beauté et d'originalité par rapport à Feuillade. De montrer entièrement, sans rien montrer, un corps aussi voluptueux que celui de Musidora en 1916, c'est absolument inouï, parce qu'on est là maintenant, 80 et quelques années plus tard. Et je crois que ça choquerait de la même façon. Non, je ne le retrouve pas du tout. Je ne le retrouve pas du tout. La nudité féminine est devenue d'une banalité de carte postale dans tous les films de tous les pays. La nudité masculine, heureusement, n'est pas encore tout à fait... J'attends l'homme qui serait un Musidora masculin aujourd'hui. Ce matin, je suis sortie d'Invasistas, par le toit d'une maison au 9e étage. Des policiers me poursuivaient. Je me couchais sur le toit, je déboulinais le long du toit, je dégringolais dans le vide. Quel vertige! Mon corps, en arc de cercle et suspendu, inspirait les photographes qui prenaient des 13-18. Au montage du film, l'illusion était parfaite. Dans la salle, les gens s'extasiaient. Oh! On voit bien que ça n'est pas truqué, disaient les spectateurs. Et voilà pour un épisode. Demain, tu passeras sous un train, me disait Feuillade. N'écarte pas les bras, tu te ferais couper les mains. La semaine d'après, quand on projetait la scène du train, j'entendis dans la salle du Bourbon Palace un spectateur s'écrier Ah, quand même, ce train, il doit être en carton. Mais c'est tellement bien truqué qu'on dirait que c'est vrai. Rien n'était truqué. Cher spectateur de mon cœur, j'aurais pu me blesser, me tuer. Mais le cinéma valait cette fougue, cet effort, ce courage. C'est avec tout ça que le cinéma grandissait. Que nous l'aidions, que nous l'aimions de tout notre amour à devenir vrai, à laisser la grandiloquence pour la vie telle qu'elle est, pour la vie héroïque. When the TV came to me and asked me to make a remake of Les Vampires, I think they are out of their mind. I just need to do Les Vampires. If we had the minute in 1915, very simple and magic. Why touch it? They insist. Then I think not a French actress can be Emma Webb after Mesidora. It's impossible, it's blasphemy. But I tell them, maybe I have an idea, you know. Maybe I have an idea. You can be on my web. Because you have the grace. I tell them I can do the film if you do the part. Big discussion, everybody say to me, why you ask a Chinese actress, why a Chinese actress? But I am sure. Nobody else can do it, because I saw you in this film. You are mysterious like Emma Webb. You are beautiful like Emma Webb. And also you are magic like her. And also you are very strong. And it's very important you are modern. I want to modern Emma Webb. You know what I say? I think so. We'll see, I'm sure. I think she's Emma Webb. She is just stolen in the hotel room, the map of the treasure. The treasure is hidden in la forêt de Fontainebleau. I stop the piano. That makes me nervous. I like silence and silence movie. He's Moreno. He's a gangster too, but he's an enemy of the vampire. You know, vampires are not real vampires. They're a group of criminals who call themselves vampires. And Yama is the jury of those criminals, you know. The jury. She is the woman who inspires the vampires. Il y a une espèce d'incarnation d'un fantasme érotique, oui, bien sûr, sûrement. Il y a quelque chose d'une présence à la fois. Il y a une espèce de modernité un peu dangereuse dans le personnage qui est certainement ce qui a résonné aussi chez Aragon, que ce personnage-là ait été l'espèce de fantasme sexuel, enfin, de cette génération qui est morte à la guerre, adhère enfin au personnage hein, d'Irma Webb, et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de la beauté à la fois inquiétante et maléfique du personnage qui est résumé par ça. So, you know, it's very important to be simple. You don't play, you don't think about your part. You just be yourself. It's not so easy in this. No. It's like a mask for the whole body that makes you absolutely free, right? You remember the actress in the Feuillade movie? Her name is Mesidora. Mesidora, great actress. Because it's silence movie. All actresses were very expressionist, you know, very dramatic. And Mesidora, she has this very expressionist play. She played completely modern, completely simple. So, we shoot in silence too. But it is not because it's silent that you must try to play more. You must play less. You must respect the silence. Excuse-moi, mais pourquoi tu lui racontes ça? Elle est sous hypnose pendant toute la scène. Je n'ai pas l'impression que c'est important. C'est bien d'assister. Ce qui m'intéressait, bien sûr, là, on parle spécifiquement de mon film, c'était justement de prendre quelque chose qui est incroyablement synchrone avec son temps. Enfin, disons, ce qui me fascinait, c'était le fait que dans le cas des vampires et de l'apparition de Irma Vep, le cinéma est incroyablement synchrone avec une sorte d'événement social. Enfin, le cinéma est le cinéma dans ce qu'il a de plus fort dans sa capacité à saisir le présent. Et l'idée, c'était qu'est-ce qui peut répondre aujourd'hui, qu'est-ce qui, du terme de la... Et y compris d'ailleurs sur un certain registre sexuel, comment est-ce qu'on peut reproduire la violence de l'apparition du personnage d'Irma Vep? Parce que là, on parle de silhouette, on parle de etc. Mais enfin, je veux dire, il y a cet élément, bien sûr, qui était extrêmement présent dans les vampires, qui est le costume de Musidora. C'est-à-dire Musidora, quand elle apparaît à l'image dans son collant, etc., elle est certainement ce qu'il peut y avoir de plus proche de la nudité qui a été représentée littéralement à l'image. Et donc, d'une certaine façon, il y a une manière aussi pour le film d'être à la fois un hommage à cet instant-là du cinéma, à la magie de cet instant-là du cinéma, et il y a une manière de jouer un peu à s'y confronter aujourd'hui. Alors vous aussi, vous cherchez des copies des films de Feuillade. Et si vous tenez les temps, je peux vous donner un tuyau. Si Jeanne Roch et Louis Feuillade ont su créer un mythe, Musidora reste une mémoire. À chaque projection des vampires dans les cinémathèques, la salle retient son souffle lorsque Musidora, l'initiatrice, entre dans le cadre, telle une Vénus noire. En dépit du temps, des modes et des techniques, son image reste fascinante. Alors elle est devenue un symbole et même un trophée pour les comédiennes débutantes remarquées au Festival des acteurs à l'écran de Saint-Denis. Alain Livoire. Moi, j'ai vu effectivement tout ce qui concerne les vampires, Judex, et je crois qu'elle a dû jouer aussi dans un bébé ou dans un bout de sang. Un bout de sang. Et puis, par ailleurs, tout à fait par hasard, quand j'avais voulu, il y a 3 ans, faire quelque chose autour de la thématique « Le torero est-il un acteur ?», j'ai découvert à ce moment-là, en tant qu'à la fois comédienne et réalisatrice, Musidora dans l'arène, ce qui m'a surpris. Mais pas franchement surpris, dans la mesure où c'était une femme certainement d'un grand tempérament, une femme libre, et c'est pour ça aussi que ça nous a beaucoup emballé de donner ce nom à ce prix. Mais la Musidora, je pense qu'on a effectivement la responsabilité, Baptiste et moi, de dire qui était ce personnage, ce qu'elle a fait, et y compris d'ailleurs lorsqu'elle n'a plus joué, elle était avec Henri Langlois à la Cinémathèque. Donc elle a travaillé auprès d'Henri Langlois, c'est quand même une fin de carrière formidable. Je crois que c'était pas inutile de donner un prix de comédie à cette égérie de Feuillade. Dominique Paini. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les films avec Musidora et parlons des vampires, le public jeunes auxquels on les montre, les films, ils sont sortis en vidéo aussi, et donc Assayas, mais bien d'autres encore, sont fascinés par ça, c'est l'incontestable élasticité, le travail avec le corps que Musidora incarne aujourd'hui, depuis que dans les années 80 est apparu en particulier ce qu'on a eu coutume d'appeler la nouvelle chorégraphie. Les galottas, les brèche-locages, les Diveres, les Durour, les Dominique Bagoué, toute cette génération de chorégraphes nouveaux, tout ce qu'on a appelé communément l'école de Bagnolet, qui tout à coup se sont mis à non pas mettre des danseurs en tutu sur la scène, mais à utiliser des personnages qui marchent, qui courent, qui ont des gestes gauches, qui ont des gestes furtifs. Et c'est un mélange, je dirais, de Musidora Feuillade et Tati, la chorégraphie contemporaine. Hein. Et incontestablement, Musidora a été, consciemment ou inconsciemment, un modèle pour cette jeune chorégraphie. D'autant que Musidora n'a été que, rien de restrictif dans cette affaire, que le développement précoce de ce que le cinéma était depuis Étienne Jules Marais, qui, pour faire ses premières expériences d'études, d'analyse de la locomotion humaine, faisait quoi au fond ? Habillait, travestissait son collègue Georges Démony, d'un collant noir, et le faisait évoluer sur 15 ou 16 ou 20 chronophotographies qu'il mettait bout à bout, et le cinéma était inventé depuis cela. Musidora, pour le cinéma, a fait quelque chose d'inouï. Comme Henri Langlois, elle a très vite considéré que le cinéma, n'était pas né en 1895. Il avait 300 ans, 400 ans, 1000 ans d'existence. Et elle est remontée très loin, donc c'est une femme de culture. Elle est remontée très loin dans ce qu'on pouvait considérer comme étant les origines du cinéma. Les origines de la cinégénie, plus exactement. Puisqu'au fond, elle a été... Une algue, elle a été un trait, elle a été un geste, elle a été un coup de pinceau pour le cinéma, puisque son corps masqué par ce collant était une griffure dans la pellicule. Musidora, première vamp, dixième muse. Avec Claire Clouseau, Madeleine Maltet-Méliès, Olivier Assayas, Jacques Champreux, Alain Livoire, Dominique Paigny. Les voix de Musidora et de Maurice retrouvé par Emmanuel Pige, Alina. Et celle de Georges Franju, d'Alain René et de Jean-Pierre Léo. Extrait des films Irma Vep, Batman, Les Vampires, Fantomas, Je pense à vous. Texte lu par Claude Berman, Evelyne Guimara, Jean-Baptiste Malartre. Remerciements à Clément Marot, fils de Musidora, Sarah Axer, Florence Loiré, Christian Marc. Prise de son, Jean-Marie Porcher, Jean-Marie Charon. Mixage, Delphine Merlot, Philippe Bredin. Réalisation, Marie-Christine Closet. Une émission de Patrick Casals. Thank you. émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 mars 1998. Musidora, la dixième muse de Patrick Cazal, est publiée chez Henri Verrier. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.